Peuple de Guinée, tu ne dois pas pleurer. Le président Amédée Touré t'a toujours enseigné qu'on ne pleure pas les morts, surtout quand il s'agit de la mort de ceux qui ont épousé et incarné les causes de leur peuple, des peuples du monde, ceux qui ont incarné la justice, chéri et défendu la vérité, combattu pour le progrès social et démocratique. Peuple révolutionnaire de Guinée, tu ne dois pas pleurer ton héros tombé sur le champ de bataille, surtout quand il a toujours clamé dans sa très grande soumission à Dieu, qu'il implore Dieu pour qu'il ne le fasse pas mourir sur un lit de malade. Il est mort en combattant héroïque, non terrassé par un ennemi, par un homme, mais rappelé par Allah le Tout-Puissant au sommet de sa gloire. Qu'Allah en soit loué. Gloire éternelle au président de Sékou Touré. Gloire éternelle au président de Sékou Touré. Merci, camarade. Une semaine après la mort de Sékou Touré, l'armée prend le pouvoir et le 3 avril, jour du coup d'État, les Guinéens peuvent entendre ce communiqué du CMRN, Comité militaire du redressement national.